encore un pas. Nul ne sait où il me mènera. Encore un pas. Et pas le droit de baisser les bras. Encore un pas, faut que j'avance. Encore un pas, croire en sa chance. Encore un pas en cadence. Encore un pas, tenir la distance. Faut pas lâcher, pas lâcher. Le chemin est peut-être long, qui sait. Tenir debout, encore marcher. Déjà je ne sens plus mes pieds. Cette folle route est sans fin. Celle qui m'emmène vers demain. Personne à qui tenir la main. Pas un ami, pas même un chien. Allez, encore un pas, faut que j'avance. Encore un pas, croire en sa chance. Encore un pas en cadence. Encore un pas, tenir la distance. Si seulement je pouvais arrêter, la tête vide et sans illusion, de me poser toutes ces questions. Juste marcher, avancer. Certains tracent simplement, sans état d'âme, sans tourment. Est-ce le courage qui les guide, ou leur boîte à pourquoi qui est vide? Allez, encore un pas, faut que j'avance. Encore un pas, croire en sa chance. Encore un pas en cadence. Encore un pas, tenir la distance. Tout serait tellement plus facile si je n'avais pas le choix. Si j'étais simple et docile. Mais toujours cette petite voix qui dit: te laisse pas faire, la vie c'est l'enfer. Faut pas que t'espères, non, y'a rien à faire. On te promet encore et toujours monts et merveilles. Mais tu sais bien que t'as pas ta place au soleil. Qui me tendra les bras? Que je m'y coule, que je m'y roule. Qui me tendra les bras avant que je ne me noie dans la foule? Allez, allez, allez, allez. Encore un pas, faut que j'avance. Encore un pas, croire en sa chance. Encore un pas en cadence. Encore un pas, tenir la distance. Encore un pas, faut pas que je pense. Encore un pas, rester dans la danse. Encore un pas avec élégance. Encore un pas, garder confiance.